Je suis avec Kim Deben, co-porte-parole de la coalition Mer Rouge et responsable de la campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire. Bonjour Kim. Bonjour. Comment les organismes communautaires de santé et de services sociaux font face à ces nouvelles mesures d'austérité que le gouvernement a annoncées récemment? Ben, c'est clair que c'est très mal vécu, premièrement parce que le communautaire met de l'avant et soutient des services publics et des programmes sociaux de qualité. Dès qu'on fait des coupures, en fait, dans les services, ça se répercute directement au sein des groupes, c'est-à-dire que les personnes qui se retrouvent sans accès à un service public ou à un programme social vont par la suite rechercher la chose au niveau communautaire. Les groupes se retrouvent à la fois surchargés, mais ne peuvent plus répondre pleinement aux besoins et réaliser pleinement leur mission, là. C'est ça, c'est que les groupes communautaires deviennent de plus en plus le dernier recours des personnes les plus en difficulté, et pourtant il y a beaucoup de services qui sont menacés à cause des coupes. Oui, ben c'est ça. C'est le dernier recours. Et le dernier recours, des fois, ça déroge complètement de la mission. D'autre part, il y a aussi des coupures qui sont qui affectent directement les groupes. On peut penser, entre autres, aux centres de thérapie pour les personnes avec des problématiques de toxicomanie ou de dépendance, d'alcoolisme, qui on a 40 centres actuellement qui sont menacés de fermeture à cause de changements au niveau du programme à l'aide sociale. On a aussi des centaines de personnes actuellement qui quittent prématurément ces thérapies-là parce que ils n'ont plus accès à l'argent qui leur permettait finalement de s'en sortir et d'aller faire la dite thérapie. Donc vraiment, c'est un exemple concret pour dire que, tu sais, il y a des coupes où est-ce que financièrement, on voit les coupures, on voit des postes se fermer, le nombre d'heures se réduire. Et d'autre part, toute coupure dans les services publics, les programmes sociaux se répercute en termes de surcharge, en termes de diversification, de besoin de diversification de services parce que le besoin augmente sans cesse. Et dès l'année dernière, avec le premier budget d'austérité du gouvernement Couillard, on constatait près de 37% des organismes communautaires montréalais en déficit, et beaucoup aussi de personnes qui avaient été renvoyées. Comment vous envisagez la suite maintenant et les solutions pour garder des emplois et garder la fiabilité financière de ces établissements? Ben, en fait, la suite s'annonce encore pire. On s'entend que la situation du sous-financement chronique au sein des groupes est vécue depuis plusieurs années. Plusieurs groupes n'arrivent pas à réaliser pleinement leur mission. Ils vont fermer pendant des périodes de l'année. Ils vont couper certaines activités. Donc, tout ça se fait parallèlement à vraiment une pression au sein des groupes, une augmentation de la demande. Et puis, en fait, les groupes communautaires se retrouvent dans un no man's land, là. Puis plus ça va, on a des demandes quand même financières. Depuis 2 ans et demi, on met de l'avant une campagne pour aller chercher 225 millions annuellement de rehaussement qui permettrait aux organismes communautaires de santé et de services sociaux de mieux répondre à leur mission. Mais il n'y a rien à faire, hein, demande-là, ce besoin-là au sein des groupes, elle n'est pas entendue au gouvernement. Donc, la situation très précaire des groupes va s'en aller, va être encore pire dans les prochaines années, là. Les grands projets qui concernent la santé et les services sociaux actuellement au Québec, portés par les gouvernements, sont essentiellement des projets de privatisation. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a vraiment une santé à deux vitesses qui est en train de s'installer, une santé et des services sociaux à deux vitesses qui sont en train de s'installer au Québec? Ben oui, absolument. Actuellement, on est en train de saccager nos services publics. On est en train vraiment de lui donner une piètre allure. Et d'autre part, on va aller chercher la solution dans les services privés. Et plus ça va aller, plus on va avoir cette manière-là de fonctionner puis de déroder le tissu social qu'on a créé. La porte de sortie va être de dire que les services dans le privé fonctionnent mieux, fonctionnent bien. Donc, c'est vraiment un choix idéologique, une approche idéologique qui est faite actuellement pour promouvoir finalement la privatisation. En détruisant tout ce qu'on a de public, qu'est-ce qu'on va dire par la suite? Ben, que le public, ça fonctionne pas, puis que la réponse, elle se trouve dans le privé. Donc, oui. Et puis, on va continuer d'avoir deux vitesses qui va aller de plus en plus... Qui va prendre de plus en plus de place. Et puis, avec des projets où est-ce qu'on voit des médecins qui préfèrent aller dans la pratique privée à cause des méga structures qui changent et des baillons et de l'approche gouvernementale actuelle, ben on s'en va pas en s'améliorant, là. Vous, en tant que personne qui travaille avec les organismes communautaires, comment est-ce que vous voyez des projets tels que le nouveau CHUM et CUSM, qui sont des projets de méga-hôpitaux qui n'ont pas l'air d'être tellement utile au final d'avoir de si gros complexes hospitaliers et qui en plus coûtent beaucoup d'argent? Comment vous voyez ce genre de projet-là pour des villes comme Montréal? Les soins hospitaliers, ça reste un lieu pour répondre à un certain besoin. C'est sûr que si on vient avec des méga hôpitaux au détriment du service de proximité, ça devient problématique, là. C'est certain que si on concentre comme on veut le faire par exemple avec le projet de 10, mais quand on veut mettre en place des méga structures de manière générale, c'est sûr qu'on perd ce lien-là directement avec la population. Donc, faut faire extrêmement attention et pas penser que c'est une solution à tout, là. Intéressé par le cas des coupes budgétaires dans l'aide sociale aux toxicomanes mentionné par Kim Deben, j'ai décidé de contacter le président de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance, Vincent Marcoux, pour en parler avec lui. Je suis avec Vincent Marcoux, président de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance, qui réagit auprès de CKUT aujourd'hui après la mise en vigueur au 1er mai des nouvelles coupes à l'aide sociale pour les toxicomanes cherchant à se soigner dans les centres d'intervention en dépendance. Donc, bonjour, monsieur Marcoux. Oui, bonjour. Comment, selon vous, ces coupes budgétaires vont directement affecter les toxicomanes dans leur vie pendant qu'ils cherchent à se sortir de leur addiction? Mais les coupures, hein, dans le fond, les personnes sous l'aide sociale, ils ont un chèque de 747 qui va être coupé à 200 lorsqu'ils vont se retrouver en centre de thérapie. Et la problématique, c'est que les gens ne seront plus dans la capacité de pouvoir venir en thérapie faire un cheminement. Donc, les personnes qui sont sur l'aide sociale et qui ont un problème d'alcoolisme, toxicomanie, vont se voir réduire leur accessibilité pour aller se faire un traitement, une thérapie pour retourner dans la vie courante, là. On a vu, vous avez publié des chiffres, il y a déjà eu 168 départs de thérapie suite aux conséquences de ces annonces de coupes à l'aide sociale. Comment est-ce que vous comptez endiguer ces départs et comment est-ce que vous comptez changer les choix des toxicomanes qui cherchent à se soigner? Bien, écoutez, c'est sûr que, comme vous dites, en deux semaines, il y a 168 personnes qui ont quitté les centres suite à l'annonce que leur chèque serait coupé. Il y en a même 91 qui ont décidé de pas venir en thérapie. Ils avaient été acceptés pour rentrer dans le centre et ont décidé de reculer pour pas venir en thérapie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, présentement, je vous dirais, les centres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils chargent plus de frais pour que les personnes soient capables de rentrer dans les services. Ils essayent de leur faciliter l'entrée, mais le chèque continue à faire en sorte que ça les empêche de rentrer en thérapie. Donc, on a invité les personnes à faire des plaintes au protecteur du citoyen, au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, s'ils se sentaient lésés dans leurs droits, et donc de faire une approche comme ça. On attend une réponse du protecteur du citoyen qui semble favorable à dire « oui, ça n'a pas de bon sens que les gens ne soient pas capables de rentrer en traitement ». Maintenant, reste à suivre là, qu'est-ce qui va se passer. C'est ça, c'est qu'il faut expliquer que le nouveau montant accordé à l'aide sociale est plus faible que le coût mensuel d'un centre. Oui, présentement, en fait, en moyenne, les centres chargeaient 300$ par mois aux personnes sur l'aide sociale pour venir en traitement. Mais considérant que les gens reçoivent seulement un 200, les centres de traitement ont dit « ben non, je peux plus charger de frais à ces gens-là ». Mais même s'ils ne chargent plus de frais, la personne n'est pas capable de rentrer en thérapie parce qu'il faut qu'ils payent, exemple, leur billet d'autobus, pour qu'ils payent leur téléphone. Ils ont des besoins de base qui ne sont plus répondus avec un chèque seulement de 200 $. Fait que les gens disent, ben moi, je peux plus rentrer en thérapie. Fait que c'est ça qui arrive. Et là, vu qu'on charge plus le 300, ben les centres de thérapie ont des pertes financières à chaque mois, et ce qui fait en sorte qu'il y a des centres qui ont dû mettre à pied des gens. Et présentement, dans mes 71 centres membres, il y a eu 44 mises à pied d'employés temps plein pour faire en sorte d'endiguer ces pertes financières-là. On parle même de la fermeture éventuelle de certains centres. Est-ce que c'est une réalité qui est tangible à l'heure actuelle? Oui, c'est une réalité qui est tangible. Je vous dirais que j'ai 11 centres qui m'ont signifié clairement qu'ils sont très fragiles pour les mois à venir, mais c'est sûr qu'on a évalué qu'il y aurait même jusqu'à 40 centres qui pourraient fermer leurs portes, mais actuellement, j'en ai 11 qui sont en danger très précaire présentement. On a entendu parler des coûts pour l'État québécois pour les toxicomanes en centre de dépendance et ceux qui se retrouvent en prison. Apparemment, en prison, soigner un toxicomane coûte beaucoup plus cher. Oui, ça coûte beaucoup plus cher. Écoutez, pour vous donner un exemple concret, dans un centre de thérapie, ça coûte 100 $ par jour, 100 $ par jour pour traiter et héberger une personne. Gîte et couvert et traitement, 100 $. Dans une prison, c'est une journée, c'est 300. Donc, c'est trois fois plus cher. Dans un milieu hospitalier, une journée, être hospitalisé, c'est entre 600 et 1200 par jour, être hospitalisé. Et si on va en centre de réadaptation en dépendance publique, ben c'est 200 $, donc c'est le double. Et là, évidemment, les personnes qui sont pas capables de rentrer dans nos centres, ben ils vont se retrouver, parce que plusieurs proviennent du milieu judiciaire, donc ils vont se retrouver en détention. Plusieurs sont entrés en psychiatrie, ils ont eu des tentatives de suicide, donc c'est des personnes qui vont se retrouver de nouveau dans le milieu hospitalier. Et c'est noté dans les recherches que les personnes toxicomanes utilisent beaucoup, les urgences utilisent beaucoup les milieux hospitaliers. Donc ça va faire des coûts sociaux importants et on a calculé que le gouvernement voulait sauver, l'étude d'impact, c'était 6,1 millions de dollars avec la coupure pour notre réseau. Et avec 6,1 millions, nous, on estime que ça va en coûter 30 millions aux contribuables. Voilà. Parce que si on fait juste calculer que 40 ressources qui ferment leurs portes, ça veut dire que c'est 7000 personnes qui auront plus de services cette année, s'il y a 40 ressources qui ferment leurs portes. Et sur les 7 000, on a au moins 500 à 1000 personnes qui proviennent du milieu judiciaire, donc qui doivent retourner en détention. Donc, si on retourne en détention, on voit les coûts, ça monte à des millions déjà en partant. Oui, ça montre le total paradoxe de ces coupes budgétaires. Il y a aussi quelque chose qui m'a alerté, c'est vous avez publié de manière totalement anonyme, vous avez transmis à la presse l'exemple type des lettres que pouvaient recevoir les personnes atteintes de toxicomanie de la part du gouvernement du Québec. Et on voit que au bout de 3 mois, une personne qui est considérée comme famille, mais qui continue à séjourner dans le centre, se voit couper ses prestations sociales famille et se les accorder comme personne seule. Et donc, en fait, le gouvernement ne prend pas totalement pas en compte le fait qu'il puisse y avoir des toxicomanes qui aient des familles, des enfants. Non, c'est ça, effectivement. Dans le fond, puis aussi, le gouvernement ne prend pas en compte que il y a 27 centres de thérapie qui offrent des thérapies long terme, c'est 5 mois et plus. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des personnes qui vont être touchées par ce règlement-là.